شدائد الصلاب، غافل الذنب، قابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله سيد أولي الألباب، وعليه أنزل أفضل كتاب، وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques, celui pour lequel se soumettent toutes les forces puissantes. Le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le Seigneur de tous les Seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le Créateur de sa créature de terre. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le chef des doués d'intelligence, celui sur lequel a été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah Jalla wa Ala a transformé et illuminé les ténèbres et l'obscurité. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, à tous ses compagnons, à ses bien-aimés, et à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour de la récompense et du jugement. Ayyuha al-ikhwatul kiram, hayyallahu hadhihi al-wujuh al-tayyibah, وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور، والله تبارك وتعالى المسؤول الذي جمعنا هذه الأمسية الطيبة على ذكره وعبادته وطاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. Qu'Allah fasse vivre ses visages resplendissants, qu'Allah fasse ouvrir ses poitrines, qu'Allah fasse purifier ses âmes. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ala, celui qui nous a réunis et rassemblés ce jour béni, afin de l'adorer, de l'implorer et de l'invoquer, qu'il nous rassemble dans l'au-delà, en présence du meilleur des prêcheurs et du maître de l'humanité, dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha al-ahibbatu fillah, poursuivons nos propos et nos discours, et poursuivons notre parcours traversant les étapes vers la demeure dernière. مراحل الدار الآخرة، étape vers la demeure dernière, une série scientifique et exhortatrice rassemblant la jurisprudence funéraire فقه الجنائز et l'attendrissement des cœurs الرقائق. مراحل الدار الآخرة، étape vers la demeure dernière, une série rassemblant les preuves authentiques الدليل الصحيح et les avis les plus favorables à Tarjih ou Salih. Et nous avions, par la grâce d'Allah Jalla wa Ala, il y a plusieurs semaines, évoqué et terminé mes propos concernant les petits signes de la fin du monde, alamat as-sa'ati sughra. Des petits signes qui ont déjà eu lieu, d'autres qui se passent chaque jour, et d'autres qui se passeront dans le futur. Et notre dernier discours, ayyuha l'ikhwa, a concerné l'apparition et la venue d'Al-Mahdi il-Muntadhar, le bien guidé et l'attendu. Et nous avions dit la semaine dernière, bihamdillahi azza wa jal, que l'apparition de cet homme constituera et représentera la transition entre les petits signes de la fin du monde et les grands signes de la fin du monde. Commençons ainsi ce jour béni, ayyuha l'ikhwa. Nos paroles et nos propos concernant les grands signes de la fin du monde, alamat as-sa'ati al-kubra. Car le jour du jugement ne cesse de se rapprocher. Et car l'heure de la résurrection ne cesse d'être de plus en plus proche. Allah Jalla wa Ala nous dit: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Attendent-ils que l'heure ne leur arrive à l'improviste? Or ces signes sont déjà arrivés. Comment pourraient-ils se rappeler et revenir vers leur Seigneur lorsque l'heure leur arrivera à l'improviste? Le jour du jugement ne cesse de se rapprocher. L'heure de la résurrection ne tardera pas à se lever. Et les vies courent à leur terme et à leur délai dans ce bas monde. Et nous, nous nous permettons de se réjouir de chaque jour qui passe, alors que chaque jour qui passe et qui s'écoule raccourcit notre vie. Nous parlons de ce sujet, ayyuha l'ikhwa, afin de te rappeler, ô toi le serviteur, le jour où tu te leveras devant ton Seigneur, Jalla wa Ala. Car Iwallah, et durant ces derniers jours, les cœurs sont devenus de plus en plus rudes et durs chez les serviteurs. Et les biens matériels, les plaisirs et les passions ont pris le dessus sur ces cœurs. Et les gens se sont détournés et éloignés de l'obéissance de leur Seigneur et de leur Créateur. Alors accompagnez-nous, ayyuha l'ikhwa. Et venez avec nous, ayyuha l'ahbab, afin de commencer le discours sur l'attendrissement des cœurs, et afin ainsi de faire pleurer les yeux, et de faire couler les larmes, et de faire vibrer les peaux, et de faire adoucir nos cœurs. Et commençons, bi'idnillah, ce jour béni, sur le sujet des grands signes de la fin du monde. Alamat as-sa'ati al-kubra, car le jour du jugement dernier n'arrivera pas, et car l'heure de la résurrection ne se lèvera pas avant que ces signes n'apparaissent. Les grands signes de la fin du monde, alamat as-sa'ati al-kubra, des signes qui nous ont été énoncés et évoqués et énumérés par la meilleure des créatures et par le plus noble des messagers, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique dans le livre des épreuves et des conditions de l'arrivée de l'heure. Selon un compagnon du nom de Hudaifah ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu anhu, celui-ci nous dit: un jour, le prophète nous a surpris en train de se faire le rappel, en train de nous faire le rappel, nous étions en train de nous rappeler, et il nous posa la question, alayhi salatu wa salam, sur quel sujet faites-vous le rappel? De quoi vous rappelez-vous? De quoi parlez-vous? Et alors les compagnons, radiyallahu anhum, lui dirent: nous nous rappelons de l'heure, ya Rasulallah. Nous évoquons l'heure de la résurrection, ya Rasulallah. Et alors al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: elle ne se lèvera pas, elle n'apparaîtra pas tant que vous ne verrez pas 10 signes. L'heure n'apparaîtra pas tant que vous ne verrez pas 10 signes. Concentre-toi, ayyuha al-Abd, sur les propos d'Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. L'heure n'apparaîtra pas tant que vous ne verrez pas 10 signes. Et il annonça alors: Ad-Dukhan والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب، ونار يخرج من اليمن ويطرد الناس إلى محشرهم. L'heure ne se lèvera pas tant que vous ne verrez pas des signes. Et il annonça alors Ad-Dukhan, la fumée. Wad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie. Wad-Dabba, et la grande bête. Wat-Tulu' Ash-Shamsi min Maghribiha, et le lever du soleil à l'Occident. Wa-Nuzul Isa ibn Maryam, et la descente de Isa, fils de Maryam. Wa-Khuruj Ya'juj wa Ma'juj, et la sortie de Gog et Magog. وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ Et trois tremblements de terre. خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ Un tremblement de terre en Orient. وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ Et un tremblement de terre en Occident. وَخَسْفٌ بِالْجَزِيرَةِ الْعَرَبِ Et un tremblement de terre dans la péninsule arabique. Et le dernier grand signe. وَنَارٌ يَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ وَيَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشِرِهِمْ Et un grand feu qui sortira du Yémen et qui chassera les gens vers le lieu de leur rassemblement. Tels sont les grands signes de la fin du monde, alamatu sa'ati al-kubra. Wal-imam Muslim rahimahullah nous rapporte plusieurs versions concernant ces grands signes de la fin du monde. Et il les a certes rapportés dans un ordre différent. Et certes, il n'y a pas de contradiction, bihamdillahi azza wa jal, dans la sunnah du messager d'Allah alayhi salat wa salam. Il a ainsi rapporté ces grands signes dans un ordre différent que la version de Hudhayfa. Mais comme nous l'avons dit, il n'y a pas de contradiction. Car tantôt le messager d'Allah alayhi salat wa salam a évoqué le changement du monde supérieur qui est le ciel, et tantôt il a évoqué le changement du monde inférieur qui est la terre. Il a ainsi quelquefois évoqué en premier lieu le monde supérieur, et quelquefois évoqué en premier lieu le monde inférieur. Ainsi, il n'y a pas de contradiction, bihamdillahi jalla wa ala, dans la sunnah du messager d'Allah alayhi salat wa salam. والعلامة الطيب رحمه الله نجي Les grands signes de la fin du monde sont soit une preuve de l'approche et de la proximité de l'heure de la résurrection et du jour du jugement dernier, soit une preuve du déroulement même et de l'arrivée formelle de l'heure de la résurrection. Soyez attentifs. Les grands signes de la fin du monde sont soit une preuve qui justifie et qui appuie le fait que l'heure de la résurrection soit très proche et le jour du jugement dernier soit très très proche, ou bien une preuve qui appuie et qui justifie le fait que l'heure de la résurrection est arrivée et est en train de se dérouler. Et il nous dit, rahimahullah, quant aux grands signes de la fin du monde, qui sont une preuve de la proximité et de l'approche du jour du jugement dernier, Zuhurul Masih Dajjal, l'apparition du faux Messie. وَنُزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمْ Et la descente de Isa, fils de Maryam. وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجُ Et la sortie de Gog et Magog. وَثَلَاثَةَ خُسُوفُ Et trois tremblements de terre. Quant aux grands signes de la fin du monde, qui sont une preuve que l'heure de la résurrection se sera levée et qu'elle sera en train de se dérouler. الدخان, la fumée. وَالدَّابَ Et la grande bête, وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا Et le lever du soleil à l'Occident, وَالنَّارُ الَّتِي يَخْرُجُ يَتَّطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشِلِهِمْ Et le grand feu qui chassera les gens vers le lieu de leur rassemblement. وَالْإِمَامَ الْقُرْطُبِي رَحِمَهُ اللَّهُ nous dit dans son livre, le sort des morts par rapport, le sort des morts et leur situation dans l'au-delà, il nous dit dans la 643e page, et le premier signe de la fin du monde sera Zuhurul Masih Dajjal, l'apparition d'Al-Masih Dajjal, puis Nuzul Isa ibn Maryam, la descente de Isa, fils de Maryam, puis Khuruj Ya'juj wa Ma'juj, la sortie de Gog et Magog, etc., etc. Et ainsi, nous avancerons bi'idnillahi azza wa jal, en suivant l'ordre des grands signes de la fin du monde, suivant ce même ordre qui nous a été évoqué et énoncé par nos savants, rahimahumullah. Et nous tenons à évoquer également, ayyuha al-ikhwa, une chose très importante concernant les grands signes de la fin du monde. est que lorsque les grands signes de la fin du monde, Alamat ou Sa'at al-Kubra, arriveront, ils se succéderont les uns à la suite des autres sans attente et sans pause. Car ils ont été comparés aux perles d'un collier. Lorsque ce collier se casse, les perles tombent et se suivent les unes à la suite des autres. Elles ont été comparées par Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam al-Hakim qui l'a authentifié sous les conditions de l'imam muslim et qui a été confirmé par l'imam al-Dhahabi et par Sheikh al-Albani selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les grands signes de la fin du monde sont comparables aux perles d'un collier. Lorsque celui-ci se casse, les perles tombent et se suivent les unes à la suite des autres. Ainsi, ayyuha l'ikhwa, lorsque un seul grand signe de la fin du monde apparaîtra, tous les autres grands signes apparaîtront et se succéderont les uns à la suite des autres. Et ainsi, l'heure de la résurrection sera très proche et le jour du jugement dernier sera très proche. Ainsi, ayyuha l'ikhwa, commençons le discours et les paroles sur les grands signes de la fin du monde. Et commençons par le premier grand signe, ayyuha l'ikhwa, ala wa huwa dhuhur al-Masih al-Dajjal. L'apparition d'Al-Masih al-Dajjal, l'apparition du faux Messie. Et comme parler de ce sujet est long, et comme le danger de cette personne est considérable, et comme il apportera à l'humanité une grande tentation et un grand trouble, nous nous sommes trouvés contraints et obligés de consacrer plus d'un discours à ce sujet, afin que le profit soit plus important et afin que les gens et les personnes apprennent à le connaître. Alors qui est Al-Masih al-Dajjal? Et pourquoi fut-il nommé ainsi? Et quelles sont ses caractéristiques? Et comment sera le monde lorsqu'il sortira? Et d'où sortira-t-il? Les réponses à ces questions seront l'objet de notre rencontre bi'idhnillah jalla wa ala, wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana at-tawfiq wa an yubarika fi waqtina wa an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawab fi al-qawl wa al-amal innahu waliyu dhalika wa mawlah. Et je demande à Allah jalla wa ala qu'il nous accorde la bénédiction dans notre temps et qu'il nous aide et nous soutienne et qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. أيها الإخوة الكرام، فمن هو المسيح الدجال؟ كي أسك المسيح الدجال؟ C'est un homme, أيها الإخوة, qui apparaîtra vers la fin du monde. Et un homme à qui Allah Jalla wa Ala accordera des capacités et des pouvoirs et des moyens surnaturels et hors du commun, tels que les gens y seront éprouvés. Un homme mécréant et vicieux, qui prétendra détenir la prophétie dans un premier temps, puis qui ira jusqu'à prétendre détenir la seigneurie et la divinité. Un homme à qui Allah Jalla wa Ala accordera des pouvoirs et des moyens tels que les gens de faible foi et les gens dont le cœur sera malade y seront éprouvés, tentés et égarés. Et beaucoup de personnes le suivront et sera alors raffermi celui qu'Allah raffermira et sera égaré celui qu'Allah égarera. وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et certes, ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Pourquoi fut-il nommé ainsi? Et nous sommes sûrs qu'ayyuha l'ikhwa, que parmi les gens qui nous écoutent en ce moment ou indirectement, il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, c'est la première fois qu'ils écoutent les propos sur Al-Masih al-Dajjal. Et nous disons cela car Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, comme il fut authentifié, qu'il viendra un temps où les imams des mosquées délaisseront le sujet sur Al-Masih al-Dajjal. Alors pourquoi fut-il nommé ainsi? Al-Imam ibn al-Athir rahimahullah nous dit qu'Al-Masih al-Dajjal a été nommé Masih car il aura ses yeux qui seront mamsouha. Il aura des yeux essuyés, et dans la langue arabe, cela voudra dire que ses yeux auront un défaut, et ils seront défectueux. Et il a été également dit qu'il a été appelé Al-Masih al-Dajjal, car le mot Masih ici pourrait signifier également qu'il marchera et qu'il essuiera toute la terre avec sa tentation et son épreuve. Fayamsahul ar. Et il a été dit également qu'il a été appelé Masih, car le mot Masih suit dans ce terme la forme et le modèle dans la grammaire arabe de maf'oul, c'est-à-dire celui qui subit l'action, et ainsi, mamsouh. Il aura les yeux essuyés, c'est-à-dire plein de défauts et défectueux. Contrairement à Al-Masih ou Isa ibn Maryam, où le terme Masih dans ce mot suit le modèle et la forme dans la grammaire arabe de fa'il, c'est-à-dire celui qui commet l'action et qui fait l'action. Et ainsi, Al-Masih ou Isa ibn Maryam était celui qui essuyait le malade, celui-ci guérissait par la volonté d'Allah. Ainsi, Al-Masih al-Dajjal est celui dont les yeux sont défectueux et il a été appelé assis. Pourquoi a-t-il été appelé Ad-Dajjal? Car dans la langue arabe, le mot Ad-Dajjal vient du mot Ad-Dajjal. Et le mot Dajjal dans la langue arabe signifie mélange et couverture. Wal-Imam al-Hafid ibn Hajar rahimahullah nous dit qu'il a été appelé ainsi Al-Masih al-Dajjal car il couvrira la vérité par le faux. Car il couvrira la vérité par le faux. Et ce sera un homme qui prétendra ainsi être un prophète, qui ira jusqu'à prétendre être un dieu et un seigneur sur les gens. Et il a même été nommé par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans certains de ses hadiths par Masih al-Dalal. Il a nommé Masih al-Dalal, c'est-à-dire le messie de l'égarement. Pour le distinguer de le Masih Isa ibn Maryam qui l'a nommé Masih al-Huda, le messie de la guidée. فالمسيح الدجال هو المسيح الضلال. C'est lui le messie de l'égarement. Et certes, son épreuve est la plus grande épreuve qui surgira sur terre depuis qu'Allah Jalla wa Ala a créé Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement dernier. Écoutez ces preuves, ayyuh al-ikhwa. La première, un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani. Selon Abi Umamah al-Bahili radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'écria en disant « Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, il n'y aura pas d'épreuve sur terre de plus grande que l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal depuis qu'Allah ait fait descendre Adam alayhi salam. Et Allah n'aura pas envoyé de prophète sans que celui-ci n'ait averti son peuple de l'arrivée d'Al-Masih al-Dajjal. Et moi, je suis le dernier des prophètes, et vous, vous êtes la dernière des communautés, et il sortira inévitablement chez vous. S'il sort et que je suis parmi vous, je serai le protecteur de chaque musulman, et s'il sort après moi, alors chaque musulman sera protecteur de son âme, et Allah me succédera pour tout musulman. Il sortira ainsi inéluctablement dans la communauté musulmane, ayyuh al-ikhwa. Il sortira, ayyuh al-ikhwa. Et tout prophète aura ainsi averti son peuple de son arrivée et de sa sortie. Et dans une version authentique, même Nuh alayhi salam aura averti son peuple de l'apparition d'Al-Masih al-Dajjal. Et dans le recueil de l'imam muslim, selon Hisham ibn Amir radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a pas entre la création de Adam alayhi salam et le jour du jugement dernier, une épreuve de plus grande que celle d'Al-Masih al-Dajjal. Imagine-toi, ayyuh al-Abd, aucune épreuve plus grande et aucun trouble plus puissant qui touchera l'humanité et qui subira l'humanité entière que celle d'Al-Masih al-Dajjal. Naam, car il y aura beaucoup de gens qui le suivront et car il y aura beaucoup d'adjoints et beaucoup d'auxiliaires et beaucoup d'accompagnateurs et beaucoup d'adeptes. Et ainsi, il égarera les gens et il tentera les gens par les moyens et les pouvoirs hors du commun qu'Allah Jalla wa Ala lui accordera. Et ce, afin qu'Allah éprouve ses serviteurs, et afin qu'Allah éprouve les créatures d'Allah. Pourquoi? Pour distinguer celui qui sera croyant, sincère et véridique, et celui qui sera menteur, mécréant et hypocrite. Et nous entendrons, bi'idnillah, comment Al-Masih al-Dajjal égarera les gens dans le prochain discours, bi'idnillah, azza wa jal, entre la création de Adam, alayhi salam, et le jour du jugement dernier, il n'y aura pas d'épreuve plus grande que celle d'Al-Masih al-Dajjal. Et certes, l'affaire d'Al-Masih al-Dajjal est une chose qui est forcée d'être connue dans notre religion. Même que les religions et les législations célestes sont d'accord sur sa sortie et sur son arrivée. Et ceci est unanime chez les savants d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Qu'Al-Masih al-Dajjal arrivera. Sauf que certaines sectes égarées ont refusé d'y croire, comme Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Khawarij. Et wallahi, certes, beaucoup de prétendus musulmans refusent également d'y croire. Parmi Al-Almani, et en ce temps, certains prétendus apprentis refusent d'y croire, et parmi eux, quelqu'un que l'on ne nommera pas, une personne qui a refusé d'y croire et qui a voulu interpréter les hadiths d'Al-Masih Dajjal à sa façon et qui a déformé le sens voulu par la religion et voulu par le prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi, ils ont interprété les sens du hadith d'Al-Masih Dajjal comme une image du mal. Na'oudou billahi min al-khudlan. Qu'Allah nous préserve du délaissement, de la négligence, de l'ignorance et de l'égarement. Mais bihamdillahi jalla wa ala. Par la grâce d'Allah Jalla wa Ala, se sont dressés et se sont levés les savants, rahimahumullah, afin de répandre à ce menteur et à ceux qui le suivent. Comme, ayyou al-ikhwa, les savants qui défendent la sunnah d'al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wa salam, tel Sheikh al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, qu'Allah lui accorde sa satisfaction. Il nous a écrit un livre intitulé L'histoire d'al-Masih Dajjal et la descente de Isa ibn Maryam qui tuera al-Masih Dajjal. Et ainsi, nous nous sommes imprégnés, nous avons utilisé de nombreux hadiths tiré de ce livre afin d'expliquer l'apparition d'Al-Masih Dajjal. Fajazahullahu khayran, hadha al-shaykh al-azim wa hadha al-alim al-jali. Qu'Allah récompense ce shaykh de mieux que puisse offrir Allah Jalla wa Ala à ses pieux serviteurs et à ses savants. Ainsi, l'épreuve d'Al-Masih Dajjal est la plus grande jamais arrivée sur terre. Et vous avez entendu pourquoi il fut nommé ainsi. Et alors, quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques d'Al-Masih Dajjal? À quoi ressemble-t-il? Vous serez étonnés, ayyou al-ahbab, si nous vous disions qu'as-sadiq al-masduq, le véridique, celui qui a été déclaré véridique, alladhi la yantiqu an al-hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, nous a décrit al-masih ad-dajjal d'une description précise et détaillée, comme s'il le voyait de ses propres yeux. Alayhi salatu wa salam. Et il nous l'a décrit afin que la communauté soit avertie. Et afin que la communauté soit alertée, et afin qu'elle puisse s'en méfier et en échapper de cette tentation et de cette épreuve, et ainsi qu'elle puisse le reconnaître. Et c'est pourquoi Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam, comme nous ont dit les savants, huwa ar-rahmatul muhda wa an-ni'matul musda wa huwa bil mu'minina raufur rahim. C'est lui la miséricorde guidée. Et c'est lui le bienfait et la grâce, et c'est lui qui est pour les croyants compatissants et miséricordieux. Naam, car il a voulu avertir et prévenir et protéger sa communauté de cette tentation et de cette grande épreuve. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a décrit pour sa communauté afin qu'il soit averti. Et il nous dit alayhi salatu wa salam, comme dans une version d'Al-Imam ibn Majah, selon Abi Umam et Al-Bahili, et cette version comporte plus de détails que les hadiths rapportés par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim. C'est pour ça que nous l'avons utilisé. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, et je vais vous le décrire, c'est-à-dire Al-Masih Dajjal, et je vais vous le décrire comme aucun prophète ne l'ait décrit auparavant. Et il nous dit alayhi salatu wa salam, il commencera par dire, je suis un prophète. Il commencera par prétendre détenir la prophétie. Il commencera déjà par mentir aux gens en voulant prétendre qu'il est un prophète et un messager. Il commencera par dire, je suis un prophète, alors qu'il n'y a aucun prophète d'après moi. Puis il dira, je suis un seigneur. Il ira plus loin dans son égarement et dans sa mécréance. Et il ira prétendre qu'il détient la seigneurie et la divinité. Puis il dira que je suis un seigneur. Or, vous ne verrez pas votre seigneur jusqu'à ce que vous mouriez. Et il est, en parlant d'Al-Masih Dajjal, et il est borgne, alors que votre Seigneur n'est point borgne, et entre ses yeux est écrit « Kafir, mécréant, pourra le lire tout croyant, qu'il sache ou qu'il ne sache pas lire. » Fasallu ala al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, comment il nous l'a décrit, d'une manière comme s'il le voyait de ses propres yeux. Alayhi salatu wa salam, la première chose qu'Al-Masih Dajjal fera, ayyuh al-ikhwa, il prétendra être prophète. Il prétendra aux gens qu'il est un prophète et qu'il a été envoyé par Allah Azza wa Jal. Puis, il ira plus loin dans son égarement, et il ira plus loin dans sa tentation, et il ira plus loin dans son trouble, en prétendant détenir la seigneurie et la divinité. Et ainsi, il prétendra être le seigneur des gens, et la divinité des gens. Et ici, Al-Habib al-Mustafa nous dit une parole que nous envoyons et que nous répondons à Al-Mu'tazila, qui ont nié et qui ont refusé de croire au fait que les gens, certaines personnes verront leur Seigneur dans l'au-delà. Puisque le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, Puis il dira qu'il sera votre Seigneur. Or, vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Et ainsi, après la mort, certaines personnes verront Allah Jalla wa Ala. Et il est borgne, alors que votre Seigneur n'est point borgne, et est écrit entre ses yeux, c'est-à-dire sur son front, kafir mécréant pourra le lire, tout croyant, qu'il sache ou qu'il ne sache pas lire. Et dans la version de l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission également authentique selon Ubadat ibn Samit radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, je vous ai parlé d'Al-Masih et d'Ajjal jusqu'à ce que j'ai eu craint que vous perdiez la raison. Jusqu'à ce que j'ai eu peur que vous perdiez la raison. Puis il nous dit, et il nous le décrit, et il nous dit qu'Al-Masih ou d'Ajjal est un homme de petite taille. Et est écrit entre ses yeux, kafir mécréant. Et dans une autre version, le lira tous ceux qui détesteront ses actions et ses œuvres. Pourra le lire tous ceux qui détesteront les actions d'Al-Masih d'Ajjal. Al-Masih d'Ajjal est donc un homme de petite taille, un jeune, court, et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, je le compare à Abdel-Uzza ibn Qatan. Et ceci est dans la version de l'imam muslim. Un jeune homme court, et il a été dit également Afhaj. C'est-à-dire que ses jambes sont quelque peu déviées à cause d'une malformation. Et il est borgne d'un œil. Et entre ses yeux est écrit mécréant. Tout cela est la description d'Al-Masih d'Ajjal. Par le maître des hommes, alayhi salatu wasalam, et il a également des cheveux crépus. Et nous allons, bi'idnillah, jalla wa ala, nous insister et nous concentrer sur deux de ses caractéristiques afin de prouver sa mécréance et son égarement et afin d'avertir les gens de son épreuve. La première grande caractéristique d'Al-Masih d'Ajjal est le fait qu'il soit borgne. A'wam. Et ce défaut est un défaut dans ses yeux. Mais plusieurs versions authentiques ont cité qu'il était borgne de l'œil droit, comme il a été cité dans les recueils authentiques d'Imam al-Bukhari et l'Imam Muslim, selon Ibn Omar radiallahu anhuma, et dans la version de Hudayfa, Ibn Asir radiallahu anhu, il a été cité qu'il était borgne de l'œil gauche. Et dans une version, il a été dit que c'est comme si son œil était comparable à un raisin fripé et ridé et sec. Et dans une autre version, il a été dit que c'est comme si son œil était éteint, sa lumière est partie de cet œil. Alors comment rassembler entre toutes ces versions? Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, nous dit, nous pouvons rassembler toutes ces versions en affirmant qu'Al-Masih Dajjal est borgne des deux yeux. Il est borgne des deux yeux, ses deux yeux sont donc borgnes, et il faut savoir, ayol ikhwa, que dans la langue arabe, a'war, le mot borgne signifie défaut. Ainsi, il a un défaut, et ses deux yeux sont défectueux. C'est pourquoi l'œil droit d'Al-Masih Dajjal est l'œil qui est comparé à un raisin qui est fripé et sec et dont son jus est parti. Et l'œil gauche est celui dont la lumière est partie. L'œil éteint. Comme nous a dit, ce rassemblement de versions a été approuvé par l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son explication du recueil authentique de l'imam muslim. Ainsi, les deux yeux d'Al-Masih Dajjal sont bornes, ont des défauts et sont défectueux. Un défaut dans ces deux yeux bornes, mais malgré cela, ayol ikhwa, beaucoup d'humains et beaucoup de djinns suivront Al-Masih Dajjal. Un homme qui ne peut même pas ôter son défaut de lui-même, un homme qui ne peut même pas ôter le défaut et l'imperfection de son visage, prétendra être le Seigneur et la divinité. Et les gens le suivront, alors qu'il ne peut même pas enlever un défaut de lui-même. Comment pourrait-il enlever le défaut d'autrui? Et il trouvera alors des gens qui le suivront avec un nombre que seul Allah connaît. فَنَسْأَلُ اللَّهَ wa ta'ala السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. Il ne peut même pas ôter une faiblesse de lui-même. Et il ne peut pas ôter une imperfection de lui-même. Qu'en pensez-vous d'autrui? Et ainsi, il ne possédera ni la faculté, ni de faire du bien, ni de faire le mal. Et il ne sera ni le maître, ni de la vie, ni de la mort, et ni de la résurrection. Sauf qu'Allah, Jalla wa Ala, lui accordera des pouvoirs hors du commun et des moyens surnaturels que seul Allah, Jalla wa Ala, est capable de faire. Il est borgne, et votre Seigneur n'est point borgne. Qu'Allah Jalla wa Ala soit élevé de toutes les caractéristiques et de tous les défauts. Qu'Allah Jalla wa Ala soit élevé de toute la mocheté et de toute la saleté. Allah Jalla wa Ala. Qu'Allah Jalla wa Ala fasse miséricorde aux bédouins qui un jour se prosternaient devant une statue en dehors du Seigneur Jalla wa Ala. Et un jour il aperçut un renard faire ses besoins sur cette statue. Et le bédouin aperçut cela et il médita. Et il dit alors, un renard faisant ses besoins sur une divinité, celui qui est dans cet état est certes rabaissé. Il aurait pu se défendre lui-même si seigneur il était. Il n'y a pas de bien dans un seigneur des demandes éloignées, des statuts du monde. Je n'ai plus la responsabilité et j'ai cru en Allah, le Tout-Puissant, l'adorer. Et qu'Allah fasse miséricorde à Amr ibn Jumuh al-Ansari, Celui qui vit un jour sa statue devant laquelle il se prosternait en dehors d'Allah, al-Wahid al-Ahad. Il l'a vu un jour accroché à un cadavre de chien. Et ceci a été fait par ses enfants, radiallahu anhum. Il vit sa statue accrochée à un cadavre de chien au milieu et au fond d'un puits. Et alors il s'écria, Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a sauvé et qui m'a préservé de cette tentation alors que j'étais réservé et destiné aux ténèbres de la tombe. Comment tu pourrais être une divinité alors qu'avec un cadavre de chien tu es associé et alors qu'au milieu d'un puits tu es plongé et rejeté? Falmasih al-Dajjal a borgne des deux yeux. Et la deuxième caractéristique importante en lui, l'écriture se trouvant entre ses deux yeux. Il est écrit entre ses deux yeux, kafir, mécréant. Et c'est une véritable écriture au sens propre et non au sens figuré. Mais soyez attentifs. Pas n'importe personne pourra le lire. Ce n'est pas quelqu'un qui sait lire et qui sait écrire dans Dunya qui pourra lire kafir sur le front d'Al-Masih Dajjal. Et une personne qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire pourra peut-être le lire. Quelles sont ainsi les conditions pour lire ce mot, qui est un signe et qui nous prouve sa mécréance et qui nous prouve son mensonge? La condition est al-ikhwa, al-iman al-sadiq, la foi véridique en Allah. C'est pourquoi le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il nous dit, Allah n'envoya pas un prophète sans qu'il ne prévienne sa communauté du borgne menteur. Entre ses yeux est écrit kafir. Tout croyant pourra le lire, qu'il sache ou qu'il ne sache pas lire. Ainsi la condition ayo al-ikhwa. C'est la foi véridique en Allah, car certains frères peuvent s'attrister et se dire, mais moi je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire l'arabe. Comment pourrais-je, si je suis vivant à son époque, comment pourrais-je reconnaître al-Masih al-Dajjal? Eh bien nous lui disons ayo al-ikhwa. Nous disons ayo al-akh, que la condition, si tu veux lire kafir sur le front d'al-Masih al-Dajjal, c'est la foi véridique en Allah. Et la foi ancrée en Allah. Et le tawhid al-khalis, et l'unicité d'Allah jalla wa ala dans ton cœur. Et nous citerons bi-idhnillah les moyens de nous échapper et de sortir indemne face à l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal lors du prochain discours. Il est écrit entre ses yeux kafir. Tout croyant le lira, qu'il sache ou qu'il ne sache pas lire. Et dans une version de l'imam muslim, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est écrit entre ses yeux kafara. Voilà comment nous a épelé de cette façon le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Il est écrit entre ses yeux kafara. Et ainsi personne ne pourra le lire excepté les croyants véridiques et sincères dans leur foi et dans leur islam pour Allah azza wa jal. Et tout mécréant et tout hypocrite et tout associateur ne pourra lire ce mot même s'il savait lire et écrire dans dunya. Une rétribution équitable, jaza'an wifaqa. Et alors, quand sortira Al-Masih al-Dajjal? À quelle époque sortira Al-Masih al-Dajjal? Soyez attentifs, ayo al-Ikhwa. Il se passera deux étapes importantes avant son arrivée. La première étape, une étape d'aisance, et une étape d'honneur, et une étape de victoire pour l'islam et pour les musulmans. Et la deuxième étape, une étape de malaise, et une étape de famine, de besoin et de manque. Quant à la première étape, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit à ce sujet, comme il a été cité dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmed et authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami' selon Mu'ad ibn Jabal ibn radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, comme nous l'avons évoqué ce hadith il y a plusieurs semaines, le peuplement de Jérusalem sera suivi de la désolation de Yathrib, c'est-à-dire d'Al-Madina. Puis la désolation de Yathrib sera suivie de la grande bataille. Cette grande bataille et cette grande guerre aura lieu entre les Romains et les musulmans. Puis la grande bataille sera suivie de la conquête de Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. Puis la conquête de Constantinople sera suivie de l'apparition d'Al-Masih Dajjal. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a même informé de la durée qui se passera entre la guerre entre les Romains et les musulmans et la conquête de Constantinople. Comme nous l'avons dit également dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Muslim, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, entre la bataille entre les Romains et les musulmans, entre la grande bataille et la conquête de Constantinople se passeront 6 années, où Al-Masih al-Dajjal apparaîtra la 7e. Voilà en ce qui concerne l'étape de victoire et l'étape d'aisance. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit dans un hadith rajif, rapporté par l'imam Muslim, dans son recueil selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, en parlant d'Al-Masih al-Dajjal, nous dit, et il ne sortira pas jusqu'à ce que les Romains descendent à deux endroits, Armer, à Oudabir, deux endroits de la Syrie. Jusqu'à ce que les Romains descendent à ces deux endroits, et une armée venant de Médine arrivera alors. Et lorsque se feront face les deux armées, les Romains diront, laissez-nous avec nos frères qui ont changé de religion. Ils parleront des Romains qui se sont convertis à l'islam. Laissez-nous avec nos frères qui ont changé de religion afin qu'on les combatte. Dans ce hadith, il y a une preuve que beaucoup de Romains et d'Européens se convertisseront à l'époque et à cette époque à la religion d'Allah et Azzawajal. Et ils diront ainsi, laissez-nous avec nos frères qui ont changé de religion afin qu'on les combatte. Et alors regardez, la fraternité dans l'islam, ayyuhal ikhwa, les musulmans diront alors, non, Iwallah, nous ne vous laisserons pas avec nos frères. Car la fraternité se sera installée et instaurée. Car depuis que les Romains auront changé de religion et seront rentrés dans la religion d'Allah et Azzawajal, ils seront ainsi frères avec les musulmans. Et ainsi les musulmans se retrouveront obligés et contraints de défendre leurs frères, et de protéger leurs frères, et de préserver leurs frères. Non, Iwallah, nous ne vous laisserons pas avec nos frères. Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, celui qui est le plus proche et le plus noble d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Ainsi, ces frères musulmans peuvent être des Arabes, ou ces frères musulmans peuvent être des Romains, mais regardez le lien de fraternité entre eux. Et ils diront, non, Iwallah, nous ne vous laisserons pas avec nos frères. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, ils combattront jusqu'à ce qu'un tiers fuira. Allah Jalla wa Ala ne leur pardonnera jamais. Et un tiers périra. Et ils seront ainsi les meilleurs martyrs auprès d'Allah et Azza wa Jalla. Et la victoire viendra au dernier tiers, et ceux-ci ne seront plus éprouvés. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, ils combattront comme cela n'a jamais été vu auparavant. Ils combattront comme cela n'a jamais été vu auparavant, jusqu'au point où un oiseau, lorsqu'il passera au-dessus d'eux, il ne les traversera que mort. Ce hadith est rapporté dans le recueil de l'imam muslim. Alors attention à ne pas douter sur ce sujet. Jusqu'au point où un oiseau, lorsqu'il passera au-dessus d'eux, ne traversera les gens que mort. Puis le prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit, et ils atteindront Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. Et ils atteindront Constantinople et ils la conquerront. Constantinople sera conquise, et au moment où ils se distribueront le butin, et au moment où ils auront déposé leurs sabres sur les oliviers, et ceci est une preuve. Une preuve que les épées et les sabres reviendront durant les combats et les guerres. Allah Jalla wa Ala ainsi approuve les propos du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a bien informé que les épées et les sabres et les chevaux reviendront ainsi à notre époque. Et ainsi tout ce que nous possédons de nos jours sera voué à disparaître. Comment? Allah Jalla wa Ala sait de quelle manière et à quel moment. Au moment où ils se distribueront le butin, c'est-à-dire lors de la victoire et de la conquête d'Istanbul, ils auront déposé leurs sabres et leurs armes sur les oliviers, et sortira alors un shaitan qui s'écriera, « Al-Masih al-Dajjal vous a succédé dans vos familles !» Ils sortiront alors. « Wal-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa sallam nous dit, et ceci est faux. » Cette information de shaitan est fausse. Et alors ils enverront 10 éclaireurs. Et ce seront les meilleurs éclaireurs sur terre à ce moment-là. 10 éclaireurs afin de vérifier et de savoir si cette information est fondée et claire. Et alors Al-Habib al-Mustafa nous dit, ils enverront alors 10 éclaireurs, et ce seront les meilleurs éclaireurs sur cette terre. Je connais leur nom, et je connais le nom de leur père, et je connais la couleur de leurs chevaux. Lorsqu'ils arriveront en Syrie, il sortira. Al-Masih al-Dajjal sortira. Voilà, quand est-ce qu'Al-Masih al-Dajjal apparaîtra chez les musulmans? Ceci est ainsi l'étape de l'honneur, et l'étape de la victoire et de gouvernement, celle que vivra la communauté musulmane avant l'apparition et avant l'arrivée d'Al-Masih al-Dajjal. Puis après cela, les gens dissimuleront leur religion. Et il y aura de la dispute et de la colère entre eux. As'alullah jalla wa ala an yunajjina min fitnati al-Dajjal. Qu'il nous sauve et qu'il nous protège d'Al-Masih al-Dajjal. Innahu wa liyudhalika wal qadiru alayh. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Et je demande à Allah jalla wa ala son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, sachez que la divergence et la division des musulmans et l'éloignement des musulmans de leur religion est une des plus grandes causes de la perte et de leur division et de la perte de leur force et de leur puissance et de la perte de leur union ainsi que de la sortie des troubles et des épreuves chez eux. Et cette étape précède ainsi l'arrivée d'Al-Messih ou d'Ajjal, comme nous l'avons dit. Ce sera l'étape du malaise et l'étape du manque et de la souffrance. C'est pourquoi les imams Ibn Hibban, Al-Bazar, rahimahumullah ta'ala, rapportent un hadith dont la chaîne de transmission est authentique. Selon Abi Hurayata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam nous dit à propos d'Al-Messih et d'Ajjal, il sortira à une époque de divergence et de division, et dans une autre version, dans un moment de mauvais comportement entre les gens et un délaissement de la religion, et dans une autre version authentique, il ne sortira pas jusqu'à ce que l'héritage soit mal partagé et jusqu'à ce que l'on ne soit pas satisfait du butin. Ainsi, regardez à quel moment sortira Al-Messih Dajjal. Lorsque les musulmans auront délaissé leur religion, lorsque les musulmans se seront éloignés des prescriptions d'Allah et Azzawajal, sortira ce trouble, sortira cette épreuve, sortira cette tentation, l'épreuve la plus grande qu'il n'y ait d'épreuve sur terre. Et en plus de cet éloignement, et en plus de ce délaissement de la religion et de ses prescriptions, cela empirera avec la famine, et avec la sécheresse, et avec le manque de biens et de ressources. Et la preuve en est ce que nous rapporte l'imam Ibn Majah, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani selon Abi Umama, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam nous dit, avant l'apparition d'Al-Messih et d'Ajjal, viendra 3 années difficiles. Les gens y subiront une rude famine. Allah Jalla wa Ala ordonnera au ciel d'arrêter de faire tomber un tiers de la pluie la première année. Et il ordonnera la première année à la terre d'arrêter de faire sortir sa végétation en un tiers. Puis la deuxième année, Allah ordonnera au ciel d'arrêter de faire tomber les 2/3 de la pluie. Et il ordonnera à la terre d'arrêter de faire sortir les 2/3 de sa végétation. Puis la troisième année, Allah Jalla wa Ala ordonnera au ciel d'arrêter de faire tomber la pluie totalement. Aucune goutte ne tombera du ciel. Aucune goutte d'eau ne tombera du ciel. Et il ordonnera à la terre d'arrêter de faire sortir sa végétation totalement. Aucune herbe et aucune verdure ne poussera. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, et alors il n'y aura aucun insecte et aucun animal qui ne pourra vivre sans qu'il ne périra. Il n'y aura plus d'insectes et plus d'animal sauf ce qu'Allah Jalla wa Ala voudra préserver. Et alors les compagnons radiallahu anhum posèrent la question au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, comment vivront alors les gens? Comment vivront-ils? Comment mangeront-ils? Comment boiront-ils? Et alors Al-Habib al-Mustafa leur répondra sallallahu alayhi wa sallam, At-takbir wa at-tahmid wa at-tahlil. Les glorifications, les louanges et les unifications, ceci leur remplacera leur nourriture. Et ceci est pour les croyants, ayyuhal ikhwa. À cette époque, en cette famine et en cette sécheresse, sortira alors Adou Allah. Sortira alors l'ennemi d'Allah et Azza wa Jal, Al-Messih Dajjal. Mais d'où sortira-t-il? De quel endroit sortira-t-il? Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, et nous a informé de l'endroit d'où sortira Al-Messih Dajjal. Al-Imam Muslim rapporte, dans un hadith selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, Al-Messih Dajjal sortira vers l'Orient. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, il nous dit dans un hadith dans Silsilatu Sahiha, il sortira d'un endroit nommé Khurasan, une région de la Perse entre l'Iran et l'Afghanistan. Et dans le recueil de l'imam Muslim, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit, suivront Al-Messih Ad-Dajjal 70 000 personnes parmi les ennemis des prophètes et les meurtriers des messagers. Wa bihamdillah azza wa jal, nous ne citons aucun hadith faible, car ceci fait partie du monde invisible, Al-Ghayb. Et il n'est pas autorisé de parler sur ce sujet qu'avec des hadiths authentiques de la part du prophète, alayhi salatu wa salam. Suivront Al-Messih Ad-Dajjal 70 000 personnes parmi les meurtriers des messagers et les ennemis des prophètes. Et alors, quand est-ce qu'apparaîtra Al-Messih Ad-Dajjal chez les musulmans? Et à quel endroit il apparaîtra, ayol ikhwa, dans un endroit entre la Syrie et l'Irak. Comme nous l'a dit Al-Habib al-Mustafa, alayhi salat wa salam, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, selon An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu an, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, il sortira à la frontière de la Syrie et de l'Irak, il ravagera à droite et il ravagera à gauche, tenez bon, ibad Allah. Et qu'est-ce que la première chose que fera le Messie al-Dajjal? Il s'énervera et piquera une colère. Al-Messie al-Dajjal, la première fois, avant de sortir sur terre chez les musulmans, s'énervera et piquera une colère, comme cela a été cité dans le recueil de l'imam muslim selon Hafsa, radiallahu anha. Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, nous dit la première chose, quand verra Al-Messie al-Dajjal chez les gens une colère, puis il sortira aux gens. Fa'amrun khatiri wallah. Et nous sommes en ce moment en train de suivre les caractéristiques et les actions d'Al-Messie al-Dajjal pas à pas. Nous l'avons ainsi présenté et nous avons donné pour quelle raison il a été nommé et ses caractéristiques et l'endroit et le monde qu'il sera lorsqu'il sortira et lorsqu'il apparaîtra et l'endroit d'où il sortira. Il apparaîtra ainsi à la frontière de l'Irak. Naam, Al-Messie al-Dajjal sortira afin d'éprouver les gens et afin d'égarer les gens et il traversera tous les pays et toute la terre excepté Mecca et Al-Madinah. Et le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, nous a informé de sa vitesse lorsqu'il fut questionné à ce sujet par les compagnons. Car certes, Al-Masih al-Dajjal est très rapide, comme il nous a dit alayhi salatu wasalam, il est rapide comme la pluie emportée par le vent. Al-Masih al-Dajjal est rapide comme la pluie emportée par le vent. Et le hadith également est rapporté par les mêmes musulmans selon Abi Umamah al-Bahili, radiallahu anhu. Selon An-Nawas ibn Sam'an, et il traversera tous les pays dans la version de l'imam Ibn Majah, selon Abi Umama, comme le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, il ne laissera aucun endroit qu'il ne traversera pas, excepté Mecca et Al-Madinah, et dans une autre version également, Touwa wa Masjid al-Aqsa. Pourquoi ne pourra-t-il pas pénétrer dans Mecca? Pourquoi ne pourra-t-il pas pénétrer dans la ville du prophète alayhi salatu wasalam? Il nous a informé As-Sadiq al-Masdouq, le véridique est celui qui a été déclaré véridique, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Al-Messie al-Dajjal ne pourra pas passer une porte de Mecca et ne passera devant une porte de Mecca ou une porte de Medina sans y trouver des anges avec leurs sabres en train de lui barrer le chemin. Naam, une défense pour la mosquée sacrée d'Allah et une défense pour la mosquée du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam. Et si quelqu'un nous dit, mais comment pourra-t-il traverser tous les pays et comment pourra-t-il parcourir la terre à cette vitesse? Nous lui disons que ceci est par le décret et la volonté et le destin et la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'ordre de celui lorsqu'il décrète et lorsqu'il veut une chose, il dit kun fayakun. Lorsqu'il veut quelque chose, il dit sois yala. Jalla wa ala tabaraka wa ta'ala. Et si quelqu'un nous dit, combien de temps restera Al-Masih al-Dajjal sur terre? Le prophète alayhi salatu wa salam nous a même informé de cela. De la période durant laquelle Al-Masih al-Dajjal restera sur terre, comme il a été cité dans le recueil de l'imam muslim, selon An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné et il répondit alors. Les compagnons lui dirent, Ya Rasulallah, combien de temps restera-t-il sur terre? Fal-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit 40 jours. Un jour tel une année, et un jour tel un mois, et un jour telle une semaine. Observez les compagnons, les questions des compagnons, radiallahu anhum, ceux qui n'ont de préoccupation que l'obéissance d'Allah, et que leur rapprochement auprès de leur Seigneur, Jalla wa ala. Ils ont dit alors, Ya Rasulallah, ce jour qui durera une année, est-ce que la prière d'un jour suffira? Regardez un peu comment ils posent des questions, afin de savoir, lorsqu'ils se trouveront dans cette situation, comment pourront-ils faire la prière? Et comment leur prière sera acceptée par Allah? Et alors le prophète alayhi salatu wasalam leur répondit, non, une prière ne suffira pas pour ce jour, mais donnez-lui leur valeur exacte à leur prière. Et cela signifie, faites en sorte qu'entre deux prières, vous ayez le même temps que celui dans les jours habituels. C'est-à-dire qu'Al-Messie al-Dajjal restera 40 jours, un jour tel une année, et un jour tel une semaine, et un jour tel un mois, et le reste des jours comme les vôtres. Et c'est pourquoi dans la jurisprudence, comme nous l'avons dit auparavant, c'est une série, ayyuha al-ikhwa, marahil ad-dar al-akhira, étape vers la demeure dernière, est une série qui rassemble la jurisprudence et l'attendrissement des cœurs. Ainsi profitons de quelques règles de la jurisprudence qu'ont dit nos savants, et nos savants de nos jours ont dit et ont énoncé à ceux qui vivent dans certains pays proches du pôle nord et du pôle sud, et qui vivent dans ces pays ou quelquefois il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit, ils se sont servis de cette preuve afin d'affirmer que ces gens doivent donner à la prière son temps prescrit et ils ne doivent pas effectuer 5 prières pendant toute la durée de jour. Mais ils doivent donner une période entre chaque prière identique, soit à celle de Mecca, soit à celle du pays musulman le plus proche. Tel est ainsi, ayyuhal ikhwa, la description d'Al-Masih al-Dajjal, son nom. Pourquoi fut-il nommé ainsi? L'endroit où il sortira, l'époque à laquelle il sortira, ses caractéristiques physiques provenant du messager de la guidée, du plus noble des créatures et du maître de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous reste ainsi nos propos et nos paroles concernant les choses surnaturelles et les moyens et les pouvoirs hors du commun qu'Allah lui accordera et qu'Allah lui donnera afin d'éprouver les serviteurs, afin d'éprouver les gens présents sur terre à cette époque et de distinguer celui qui sera croyant, véridique et sincère et celui qui sera menteur, hypocrite et mécréant. Et ainsi, Allah raffermira celui qui voudra raffermir et Allah égarera celui qui voudra égarer. Et comme nous l'avons dit, Allah Jalla wa Ala nous dit « Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid » Et certes, ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. « Fajaza'an wifaqa » Une récompense équitable. Comme nous disent les savants, « Al jaza'u min jinsi al-amal » La récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Ainsi, si tu as été croyant, et si tu t'es muni de la foi véridique en Allah Jalla wa Ala, tu pourras être protégé de cette tentation et de cette épreuve. Mais si tu as voulu délaisser ta religion et tu as tourné le dos au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, tu seras tenté à Yuhalar et tu seras éprouvé par cette plus grande tentation. Et ainsi nous retarderons ces propos et ces discours concernant les pouvoirs surnaturels d'Al-Masih et d'Ajjal à la semaine prochaine, bi'idhnillah Azza wa Jal, si Allah nous a décrété la vie et la rencontre. As'alullah Jalla wa Ala. Je demande à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous préserve de l'épreuve et de la tentation d'Al-Masih al-Dajjal et qu'il nous préserve de toutes les épreuves tant que nous serons vivants. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa as'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ceux-là sont ceux les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à demander à Allah Jalla wa Ala d'évoquer en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et d'accorder sa bénédiction à son noble messager, le messager de la guidée, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa noble famille, tous ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui ont suivi et qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière invocation, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.